arrivons à la bio bifidus active de Jean-Paul. Jean-Paul, j'espère que t'as bossé là pendant deux semaines. Ah oui, oui, écoute, bonjour d'abord. Oui, tel le galet rodé par des millénaires de vagues, je suis poli. Ces deux semaines sans émission ont été longues pour moi. Une vraie traversée du désert, Thibaut. Oui, j'ai bien dit du désert, et non du dessert. Ce qui aurait pu laisser croire que j'avais passé 15 jours à traverser la pâtisserie de Pierre Hermé. Oui, je pensais bien que cette vanne ferait un peu chou blanc. Donc, pendant cette traversée du désert, alors que je m'étais arrêté au sommet du Mont Sinaï pour réfléchir à mon avenir... Oui, je suis un peu dans la Moïse. Oh. Alors que j'étais là à chercher ma voix, j'ai entendu une voix. Si, si, je l'ai entendu comme je te vois. Une voix qui me disait, Jean-Paul, à quoi ça rime toutes ces chroniques sur des gens célèbres que les personnes qui écoutent ne rencontreront jamais? Réfléchis à ça, mon fils. Et ferme ta braguette. Pardon. Puis ça a coupé. Il avait dû passer dans un tunnel, un grand tunnel tout blanc avec de la lumière au bout et des anges de la télé-réalité qui chantent. À quoi ça rime toutes ces chroniques sur des gens célèbres que les personnes qui écoutent ne rencontreront jamais? C'est quoi cette parabole? Et puis d'abord, était-ce bien une parabole? Si ça avait été une parabole, j'aurais pu continuer à émettre. Et la conversation n'aurait pas été coupée. Puis j'ai compris le sens de ses propos. Moi, j'ai la chance de connaître, de côtoyer des gens célèbres tous les jours ou presque, ou quelquefois. Enfin, si, si, ça m'arrive. Tiens, l'autre jour, par exemple, je sortais de la boulangerie, et qu'est-ce que je vois dans la voiture stationnée en double fil juste en face? Hein, qu'est-ce que je vois? Je vous le donne en mille, vous ne verrez jamais. Mimi Mati. Oui, oui. Mimi Mati, oh, en personne. Enfin, je pense que c'était elle, parce qu'on voyait pas le conducteur au volant. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Je vois des gens célèbres. Tous les auditeurs n'ont pas cette chance et ce n'est pas très juste. Donc, pour réparer cette injustice, que aujourd'hui, je vais faire le portrait d'une personne que personne n'a jamais vue. J'ai cité l'homme invisible. Oui, je sais, c'est surprenant. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car pour la première fois depuis l'histoire de Pantoufles Explosives, l'artiste dont je fais le portrait est dans le studio. Enfin, en principe, hein, parce qu'il m'avait dit qu'il venait, enfin, il devrait être là d'ailleurs, si tu pouvais me faire un signe. Enfin, il est sûrement là, hein. De toute façon, il est très discret. Il a toujours été discret, hein. Au point que quand il est né, sa mère ne s'en est pas rendu compte, elle a juste remarqué qu'elle avait maigri. Elle avait pris du poids, mais elle pensait être enceinte, elle a fait une échographie, et comme il n'y avait rien, le médecin avait diagnostiqué une crise d'aérophagie. Enfin, quand je dis sa mère, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, car ses parents étaient des trans. Oui, des transparents. L'homme invisible commença alors sa vie dans l'anonymat le plus complet. Souffrant de cette crise identitaire, il décida de se faire établir des papiers pour prouver son existence légale. Mais incapable de produire une photo d'identité montrant autre chose qu'une cabine de photomaton vide, il y renonça. À l'école, il rendait des copies blanches et collectionnait les zéros. Il rejoignit alors la vie active et devint vitrier. D'où l'expression que me criait ma mère quand je restais debout devant la télé qu'elle pouvait rien voir. Et ton père, il est vitrier? C'est à partir de ce moment-là qu'enfant, je me suis mis à casser des vitres dans la maison pour tenter d'apercevoir ce père qui m'avait abandonné. Et le cinéma, me direz-vous dans cela? Oui, car c'est une émission de cinéma. Eh ben, il allait au cinéma, et même qu'il payait jamais sa place, pour aller voir et revoir Mon nom et personne, son film préféré. Voilà, ça c'était la partie cinéma de la chronique, hein, cahier des charges respecté. Récemment, l'homme invisible aurait été embauché par Nicolas Sarkozy pour prouver qu'il y aurait de la transparence dans ses comptes de campagne. Mais au vu du premier sondage, ça devrait pas suffire. Et c'est sans doute Nicolas Sarkozy qui deviendra bientôt invisible. Une fan de Nicolas Sarkozy. Ah, une réaction sur hashtag Pantex d'une certaine Sophie M. On parle toujours d'homme invisible, mais jamais de femme invisible. Existe-t-elle? Alors écoute déjà, Sophie, si toi, j'aimerais bien te voir. Ça me ferait plaisir. Quant à la femme invisible, les islamistes radicaux ont essayé de la créer. Mais si on en juge par toutes les photos de femmes en burkini qui sont étalées dans la presse cet été, je suis pas sûr qu'ils aient réussi leur coup. Je sens que cette chronique va faire l'effet d'une bombe. Boum, Sophie. Oh, petit clin d'œil. Attendez, qu'est-ce que c'est? Attendez, j'ai la fermeture de ma braguette qui descend toute seule. Et, écoutez, on s'interrogeait à l'instant sur le sexe de l'homme invisible. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une femme. Enfin, j'espère. Merci. Merci à vous.